Comte de La Fontaine, première partie. Enregistré pour Audiocité par Sylvie. Préface de l'auteur. J'avais résolu de ne consentir à l'impression de ces contes qu'après que j'y pourrais joindre ceux de Boccace qui sont le plus à mon goût, mais quelques personnes m'ont conseillé de donner dès à présent ce qui me reste de ces bagatelles, afin de ne pas laisser refroidir la curiosité de les voir qui est encore en son premier feu. Je me suis rendue à cet avis sans beaucoup de peine et j'ai cru pouvoir profiter de l'occasion. Non seulement cela m'est permis, mais ce serait vanité à moi de mépriser un tel avantage. Il me suffit de ne pas vouloir qu'on impose en ma faveur à qui que ce soit et de suivre un chemin contraire à celui de certaines gens qui ne s'acquièrent des amis que pour s'acquérir des suffrages par leurs moyens. Créature de la cabale, bien différent de cet Espagnol qui se piquait d'être fils de ses propres œuvres. Quoi que j'aie autant de besoin de ces artifices que pas un autre, je ne saurais me résoudre à les employer. Seulement, je m'accommoderai, s'il m'est possible, au goût de mon siècle, instruit que je suis par ma propre expérience, qu'il n'y a rien de plus nécessaire. En effet, on ne peut pas dire que toute saison soit favorable par toutes sortes de livres. Nous avons vu les rondeaux, les métamorphoses, les bouts rimés, régner tour à tour. Maintenant, ces galanteries sont hors de monde et personne ne s'en soucie, tant il est certain que ce qui plaît en un temps peut ne pas plaire en un autre. Il n'appartient qu'aux ouvrages vraiment solides et d'une souveraine beauté d'être bien reçus de tous les esprits et dans tous les siècles sans avoir d'autre passeport que le seul mérite dont ils sont pleins. Comme les miens sont fort éloignés d'un si haut degré de perfection, la prudence veut que je les garde dans mon cabinet à moins que de bien prendre mon temps pour les en tirer. C'est ce que j'ai fait ou que j'ai cru faire dans cette seconde édition où je n'ai ajusté de nouveau compte que parce qu'il m'a semblé qu'on était en train d'y prendre plaisir. Il y en a que j'ai étendu et d'autres que j'ai accourci seulement pour diversifier et me rendre moins ennuyeux. On en trouvera même quelques-uns que j'ai prétendu mettre en épigramme. Tout cela n'a fait qu'un petit recueil, aussi peu considérable que sa grosseur que par la qualité des ouvrages qui le composent. Pour le grossir, j'ai tiré de mes papiers, je ne sais quelle imitation, des arrêts d'amour, avec un fragment où l'on me raconte le tour que Vulcan fit à Mars et à Vénus et celui que Mars et Vénus lui avaient fait. Il est vrai que ces deux pièces n'ont ni le sujet ni le caractère de tout semblable au reste du livre, mais à mon sens, elles n'en sont pas entièrement éloignées. Quoi que s'en soit, elles passeront. Je ne sais même pas si la variété n'était point plus à rechercher en cette rencontre qu'un assortiment si exact. Mais je m'amuse à des choses auxquelles on ne prendra peut-être pas garde, tandis que j'ai lieu d'appréhender les objections bien plus importantes. On m'en peut faire deux principales, l'une que ce livre est licencieux, l'autre qui n'épargne pas assez le beau sexe. Quant à la première, je dis hardiment que la nature du conte le voulait ainsi, étant une loi indispensable selon Horace, ou plutôt selon la raison et le sens commun de se conformer aux choses dont on écrit. Or, qu'il ne m'ait été permis d'écrire de celle-ci comme tant d'autres l'ont fait, et avec succès, je ne crois pas qu'on le mette en doute, et l'on ne me saurait condamner que l'on ne condamne aussi l'Arioste devant moi et les anciens devant l'Arioste. On me dira que j'eusse mieux fait de supprimer quelques circonstances, ou tout au moins de les déguiser. Il n'y avait rien de plus facile, mais cela aurait affaibli le comte et lui aurait été de sa grâce. Tant de circonspection n'est nécessaire que dans les ouvrages qui promettent beaucoup de retenue dès l'abord, ou par leur sujet, ou par la manière dont on les traite. Je confesse qu'il faut garder en cela des bornes et que les plus étroites sont les meilleures. Aussi faut-il m'avouer que trop de scrupules gâteraient tout. Qui voudrait réduire Boccace à la même pudeur que Virgile ne ferait assurément rien qui vaille et pêcherait contre les lois de la bienséance en prenant à tâche de les observer. Car enfin, que l'on ne s'y trompe pas, en matière de vers et de prose, l'extrême pudeur et la bienséance sont deux choses bien différentes. Cicéron fait consister la dernière à dire ce qu'il est à propos qu'on dit, eu égard au lieu, au temps et aux personnes qu'on entretient. Ce principe, une fois posé, ce n'est pas une faute de jugement que d'entretenir les gens d'aujourd'hui de contes un peu libres. Je ne pêche pas non plus en cela contre la morale. S'il y a quelque chose dans nos écrits qui puisse faire impression sur les armes, ce n'est nullement la gaieté de ces contes, Elle passe légèrement, je craindrais plutôt une douce mélancolie où les Romains les plus chastes et les plus modestes sont très capables de nous plonger et qui est une grande préparation pour l'amour. Quant à la seconde objection, par laquelle on me reproche que ce livre fait tort aux femmes, on aurait raison si je parlais sérieusement, mais qui ne voit que ceci est un jeu et par conséquent ne peut porter coup. Il ne faut pas avoir peur que les mariages en soient à l'avenir moins fréquents et les maris plus forts sur leur garde. On me peut encore objecter que ces contes ne sont pas fondés et qu'ils ont partout un fondement aisé à détruire. Enfin, qu'il y a des absurdités et pas la moindre teinture de vraisemblance. Je réponds en peu de mots que j'ai mes garants. Et puis ce n'est ni le vrai ni le vraisemblable qui font la beauté et la grâce de ces choses-ci, c'est seulement la manière de les conter. Voilà les principaux points sur quoi j'ai cru être obligé de me défendre. J'abandonne le reste au censeur, aussi bien serait-ce une entreprise infinie que de prétendre répondre à tout. Jamais la critique ne demeure court, ni ne manque que des sujets de s'exercer. Quand ceux que je puis prévoir lui seraient ôtés, elle en aurait bientôt trouvé d'autres.